jour comme la nuit, je pense à toi Pierre, j'ai fait l'idiot pourtant, ce seul ami. J'ai perdu le mot d'emploi de cette vie. On refait le bien, puis on se plante sur le chemin. C'est impossible d'être parfait. Faire avec. Puis les regrets, faut vivre le présent, t'as le passé, toi, je sais pas, mais moi, je me suis bien planté, je me tends à t'attraper, revoir ton sourire, ta beauté. Ne pouvons le voir quand il s'est éclipsé. Il ne faudrait jamais aimer aucun sentiment pour ne pas se blesser. Une femme comme toi, ça se mérite. Abandonner puis la fuite. Que dois-je faire? Que dois-je dire? Comment oublier un trésor qui vaut bien plus que de l'or? Je t'envoie des milliers de baisers. Et si je fous, je ne vais plus t'importuner. Pardonne-moi, je t'en supplie, mon ami, que j'aime et qui s'enfuit. La confiance, pour la gagner, il faut trimer. Hop, tout gâché. Et toi qui as voulu ça, qu'elle me dit, tu m'as pris pour une pute. Je sais pas où t'es allé chercher toutes ces propositions que tu m'as faites. Et tu connais pas la relation des véritables amis. Pourtant, je te répétais toujours que moi, les vrais amis, je les abandonnais jamais. Assoiffée de sexe, qu'elle me dit que tu ne sais pas faire la différence des relations. Moi je galère, jamais, je dis bien jamais, je coucherai avec quelqu'un pour de l'argent. Qu'elle me dit, je préfère manger ma merde, qu'elle me dit, j'appréciais vraiment beaucoup. Je t'ai donné ma confiance, mais tu l'as gâchée. Tu m'as pris pour une traînée. Voilà le résultat. que à toi tu dois en vouloir, vu que tu es la cause de cet éloignement. Voilà, mais sache, j'oublie pas l'aide que tu m'as apportée. Et si je te réponds, c'est parce que je ne suis pas une fausse personne. Qu'elle me dit, malgré que tu sois comme tu es, j'oublie pas, j'oublie pas, j'oublie pas. Et je t'ai toujours dit, quand je fais plus confiance, c'est difficile de refaire cette confiance, voilà. Merci de te soucier de moi. Voilà, qu'elle me dit, qu'elle me dit. Qu'elle me dit, qu'elle me dit, qu'elle me dit.